Auditrice, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM. Anciennement, il y a 42 ans, elle s'appelait cette radio, elle s'appelait Trait d'Union, Radio Trait d'Union. Et puis, voilà. Alors, ce soir, le calendrier, hein, c'est le calendrier des esclavages et des libérations. Alors, les grandes invasions, d'abord, les Ostrogoths, Théodoric, Visigoths, les Burgondes, Ravenne. À Ravenne, en 476, c'est là qu'est s'est produit la chute de l'Empire romain. Hein? Le 8 mai, à Rumiremont, au Rumont. Alors, musique, les musiques et les discours. Le maire, député, sénateur. Hein? Ensuite, Bertolt Brecht, à ceux qui viendront après nous. Caroline Fiat, cette minorité présidentielle est irresponsable. Bon, par exemple, les drapeaux, les médicaments, etc. Serge Faubert, Macron nous fait une grosse déprime. Présidentielle 2022, comment les instituts de sondage ont tué Mélenchon? Pas tout à fait tué, hein. Ils ont essayé. Ensuite, France, quand la France recrutait des scientifiques nazis. Oui, les sujets s'enchaînent, comme ça. Bon, hein? Ouais. Ensuite, enfant, j'avais 12 ans et j'étais une enfant résistante. 12 ans résistante. Et puis une petite revue de presse. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Thank you. calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 22 mai ? Eh bien, par exemple, le 22 mai 1675, en France, Louis XIV envoie le duc de Chaulnes en Bretagne avec troupes et instructions pour mater la révolte des bonnets rouges et rétablir les bureaux de perception. Toute ressemblance avec la France de 2023. 1790, France. Les révolutionnaires déclarent la guerre, la paix au monde. Les révolutionnaires déclarent la paix au monde. Vous voyez comment on peut se tromper facilement. France et révolutionnaires déclarent la paix au monde. 1790, le 22 mai 1790. 1848, Martinique, suite au décret des 4 mars et 27 avril, accordant l'émancipation des esclaves, suite aussi à un mouvement de révolte des esclaves noirs pour protester contre l'arrestation de l'un d'entre eux, le gouvernement de l'île signe l'abolition de l'esclavage. L'annonce officielle de Paris n'arrivera que début juin. Depuis 1982, cette date est célébrée pour commémorer l'émancipation des esclaves. 1871, France, à Paris, on se bat maison par maison. Les Versaillais ont pris facilement les beaux quartiers de l'Ouest, peu favorables aux communards. Le soir, le front se situe sur une ligne qui va de la porte d'Asnières à la porte de Vanves, en passant par les gares Saint-Lazare et Montparnasse. 1875, Allemagne. Congrès de Gotha. L'Association générale des ouvriers allemands, la Salienne, et le Parti social-démocrate des travailleurs, les marxistes, fusionnent pour former l'Union socialiste des travailleurs, dirigée par A. Bebel et W. Liebknecht. Ce Socialistischer Arbeitsverein est le premier grand parti social-démocrate de l'histoire. Premier grand parti social-démocrate de l'histoire. 1881, France. Séparation officielle du courant anarchiste des autres groupes socialistes. 1918, France. Des manifestants essayent de s'opposer au départ des jeunes recrues pour la guerre. 1946, France. Une loi pose le principe de la généralisation de la sécurité sociale et de son extension aux non-salariés. Elle sera mise en œuvre en 1948. Ouais. Nous sommes en 2023 et vous voyez ce que les macroniens et macronistes sont en train de faire. Ouais. 1977, Salvador. Une fusillade fait 16 morts parmi les personnes qui apportaient de la nourriture aux occupants de l'ambassade du Venezuela. 1978, Pérou. Quoique déclarée illégale, la grève contre le programme d'austérité a lieu. La population y participe en masse. Le gouvernement établit le couvre-feu. 1981, Pologne. L'agence TASS dénonce pour la première fois la collusion entre les éléments de solidarité et la base du parti. Thank you. C'est l'heure de l'extrême onction. Place au corbillard. C'est le moment de dire adieu à notre vieil ami, l'Empire romain d'Occident. Avant toute chose, on va commencer par faire le point du côté de l'Orient, parce que ça fait un moment qu'on l'a laissé de côté. Pour lui, tout va bien. L'empereur Léon Ier a de l'or dans les caisses à plus savoir quoi en faire. Il n'a plus besoin de verser des tributs aux Huns depuis la disparition de leur empire. C'est un peu le problème, en fait. La Germanie s'est de nouveau divisée en une foule de royaumes indépendants, ce qui rend les négociations beaucoup plus difficiles. Il y a d'abord la horde des Huns qui subsiste, et qui continue de mener des raids au sud du Danube. Heureusement, le dernier fils d'Attila est tué en 469, ce qui va mettre un terme à cette menace. Mais le problème, c'est que les Alains continuent la lutte en solitaire. La Mésie ressemble aujourd'hui à un champ de ruines. Et dans le même temps, les Ostrogoths libérés des Huns ont formé un nouveau royaume en Pannonie. Leur roi est un certain Théodoric, à surtout pas confondre avec Théodoric le Visigoth. En fait, Théodoric l'Ostrogoth va devenir encore plus célèbre. Mais pour l'instant, c'est un vrai chaton. Faut se méfier quand même, c'est toujours mignon quand c'est petit. Ses principaux ennemis sont les Huns survivants, les Alains et les autres Germains. Du coup, il noue une alliance avec l'Empire d'Orient et fait le ménage en Mésie pour les beaux yeux des Romains. Beaucoup d'Ostrogoths se sont également réfugiés à l'intérieur de l'Empire au temps des Huns, et ils se retrouvent au plus haut poste de l'armée romaine. Les Romains craignent qu'ils ne reproduisent la même chose qu'en Occident, démembrés de l'intérieur par les Germains romanisés. Du coup, une véritable guerre civile éclate entre les pro- et les anti-Ostrogoths. Finalement, c'est la chute de l'Occident qui va soulager tout le monde. Ça va attirer tous les Ostrogoths vers l'ouest sous la bannière de Théodoric. On y vient à cette issue fatale. Souvenez-vous, la Gaule ressemble aujourd'hui à un vieux pneu couvert de rustine. Les Visigoths profitent à fond de leur supériorité. Ils conquièrent le petit résidu impérial qui subsiste en Auvergne, seulement arrêté par les Burgondes qui cherchent aussi à en profiter. Puis ils se ruent tous les deux vers la Provence, et là encore, c'est les Visigoths qui l'emportent. Pendant ce temps-là, le bal des empereurs se poursuit à Ravenne. C'est la Bérésina. Les Germains qui se battent dans l'armée romaine sont très envieux de leurs camarades qui ont fondé des royaumes en pleine croissance. Ils décident donc de faire pareil. Menés par le Germain Odoacre, les soldats mutinés entrent dans la ville de Ravenne et déposent gentiment l'empereur Romulus Augustule de son trône. On est le 4 septembre 476, une date à marquer d'une pierre blanche. En éliminant ce qui en faisait le symbole, Odoacre vient de mettre un terme à l'Empire romain d'Occident. Il s'empresse de conquérir le reste de l'Italie et parvient même à récupérer la Sicile aux dépens des Vandales. L'Italie devient un royaume germanique comme un autre, et personne n'aura l'idée de rétablir l'ordre ancien. Les gens ont bien compris qu'il valait mieux un royaume tenu par des Germains virils qu'un vague empire tenu par des Romains déliquescents. Ça passe comme une lettre à la poste. L'empereur d'Orient est bien content de plus avoir de rival en Occident. Plus que jamais, il s'impose comme l'unique empereur de tous les Romains. Mais comme il contrôle plus Rome, on l'appellera dorénavant l'Empire byzantin. Si la chute de l'Empire d'Occident tombe dans les faits divers à cette époque, elle va être de plus en plus perçue comme un drame dans les siècles à venir. Beaucoup chercheront à reformer cet empire idéalisé. Charlemagne, Othon Ier, Napoléon, jusqu'aux dictateurs fascistes du XXe siècle. De fait, ça fait déjà un moment que l'Occident est mort. L'année 476 marque surtout un nouveau départ qui va s'incarner dans les traits d'un homme, Clovis. Bienvenue dans le Moyen-Âge. Thank you. Monsieur, c'est vraiment un grand honneur de vous accueillir ici au cœur du quartier de Rumont, certainement un des plus beaux quartiers de la ville de Remiremont. C'est pour la première fois que la municipalité a décidé d'organiser justement la cérémonie du 8 mai au cœur de ce quartier, puisque habituellement le 8 mai est plutôt organisé au centre-ville. Mais la volonté qu'on a avec l'équipe municipale, c'est de faire en sorte que chacun des quartiers de la ville de Remiremont puisse être vivant, puisse accueillir des moments festifs, des moments importants, des moments de commémoration. Et donc c'est chose faite, et je pense que c'est vraiment une fierté qu'on a toutes et tous d'avoir organisé cette commémoration aujourd'hui sur ce terrain de sport, juste à côté de l'école de Rumont. Je salue la présence de nos deux parlementaires. Je vais commencer par monsieur le député, cher Christophe, bienvenue à toi. Monsieur le sénateur et conseiller municipal de la ville de Remiremont, bienvenue à toi, cher Jean. Vous nous faites toujours l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. Je sais tout votre attachement à notre ville, qui est aussi votre ville de Remiremont. Je salue toutes les autorités militaires, les policiers, les gendarmes, les pompiers, bien sûr. Je salue tous les membres de l'équipe municipale, ils sont très nombreux ce matin. Je salue les diverses associations, en particulier les associations patriotiques. Je pense aussi à la musique, à l'harmonie de Remiremont. Je pense aussi aux scouts, j'ai vu le judo, j'ai vu le club de gymnastique La Frontière et bien d'autres clubs également qui sont présents parmi nous. J'en ai peut-être oublié, je m'en excuse. Je salue naturellement Madame la directrice Véronique Manchon, directrice emblématique de l'école de Rumont pour encore quelques semaines. Malheureusement, puisque tu fais valoir tes droits à la retraite d'ici quelques semaines, mais tu auras marqué de ton empreinte ces décennies ici à l'école de Rumont. Je salue évidemment tous les enseignants qui sont présents, les enseignants de l'école aussi, les enfants, voilà, il y a de très nombreux enfants qui sont présents, qui vont vous faire quelques lectures d'ici quelques minutes. Je salue la présence également du Conseil des Sages, des membres du Conseil des Sages, de l'Assemblée des Jeunes aussi, qui sont très nombreux. Je salue aussi une délégation de lycéens, d'un lycée auquel je suis particulièrement attaché, qui est le lycée Jeanne d'Arc, pour lequel je travaille depuis plus de 20 ans désormais. Et je sais qu'il y a une délégation de jeunes, donc ça me fait chaud au cœur d'avoir des jeunes qui sont aussi accessoirement, et plus qu'accessoirement, mes élèves. Et ils sont présents aussi avec une délégation d'enseignants, et aussi quelques élèves norvégiens, qui nous font l'honneur et le plaisir d'être présents. Donc on est dans une cérémonie internationale. Si nous sommes toutes et tous présents aujourd'hui, c'est parce qu'on souhaite commémorer la mémoire de celles et de ceux qui ont été si importants et qui nous ont permis de vivre aujourd'hui dans un grand pays qu'est la France et surtout un pays de liberté. 78 ans en arrière, le 8 mai 1945, c'était la fin des combats en Europe. C'était la capitulation de l'armée nazie à Berlin face à l'armée russe. 78 ans, ça peut paraître loin. Il y a 78 ans, effectivement, ça peut paraître très loin, mais finalement, c'est relativement proche, même s'il y a de moins en moins de personnes qui ont connu cette période, mais il y a encore des témoins de cette période, qui a été une période tout à fait compliquée de l'histoire du monde, de l'histoire de l'Europe, de l'histoire de la France, mais aussi de l'histoire des Vosges. Comme vous le savez, la France en a été occupée pendant plus de 4 années, occupée par les Allemands. La frontière entre la France et l'Allemagne est revenue à quelques kilomètres de Remiremont, parce que les Allemands avaient réoccupé l'Alsace et donc la frontière était revenue sur les frontières, sur la limite des crêtes, donc la ligne bleue des Vosges. Et c'est vrai que lorsqu'on perd en 1940, il y avait peu d'espoir de vivre à nouveau dans un pays libre et démocratique. Mais il y a eu des hommes et des femmes, ils étaient certes pas très nombreux au début, mais des hommes et des femmes qui ont dit non au nazisme, qui ont dit non au totalitarisme du régime de Vichy. Et parmi eux, bien sûr, le grand général que fut le général de Gaulle avec son appel du 18 juin 1940. Petit à petit, la résistance s'est construite. Elle s'est construite surtout à l'extérieur de la France. Et je tiens à souligner toute l'importance qu'ont eu les colonies, parce que c'était une période où la France avait un grand empire colonial, toute l'importance des colonies tout au long de la Seconde Guerre mondiale, puisque le début de la résistance, évidemment, c'est Londres, bien évidemment, c'est le Royaume-Uni, mais ce fut aussi et surtout nos colonies. Je tiens en particulier à dédier cette cérémonie du 8 mai à tous les régiments coloniaux, et en particulier ceux d'Indochine, ceux d'Afrique occidentale française, d'Afrique occidentale et équatoriale française, tous les soldats d'Afrique du Nord, qui ont été des dizaines et des dizaines de milliers à combattre sous l'armée française. Ils étaient tunisiens, ils étaient algériens, et ils étaient aussi très nombreux, de très nombreux marocains, qui ont combattu pour la France en Afrique du Nord, qui ont combattu pour la libération de la France à partir de 1944, le débarquement en Provence, bien sûr, le débarquement en Normandie, mais eux, c'était plutôt le débarquement en Provence. Et nous, dans les Vosges, on sait toute l'importance qu'ont eu ces régiments coloniaux d'Afrique du Nord, puisqu'ils ont contribué à la libération de notre département, et en particulier des deux vallées, de la vallée de la Moselle et de la vallée de la Moselotte. Nombreux furent ceux qui sont tombés pour les trois couleurs, pour le drapeau français, qu'ils ont honoré très grandement. Et encore aujourd'hui, on célèbre justement les Goums marocains dans la commune du Val d'Ajol, puisqu'il y aura une place pour les Goums marocains qui est inaugurée au même moment au Val d'Ajol. Et puis, il y a toujours ce monument qui se situe sur les Hauts-de-Vosges et qui nous fait toujours penser toute l'importance qu'ont eu justement ces régiments coloniaux. À partir du 8 mai 1945, il a fallu reconstruire notre pays, il a fallu reconstruire la France, la reconstruire physiquement suite à toutes les destructions que nous avons subies. On a dû la reconstruire aussi démocratiquement. C'était tout l'intérêt de fonder une nouvelle république, la 4e république, puis la 5e à partir de 1958. Les libertés fondamentales reviennent. Les femmes, enfin, ont le droit de voter, de pouvoir se présenter à des élections. Et puis, c'est la France qui se reconstruit économiquement. Donc, c'est le début d'une période faste, la période des Trente Glorieuses, au cours de laquelle la France a augmenté son nombre d'habitants, où le nombre d'habitants dans les Vosges aussi a beaucoup augmenté. Et je dirais que ce quartier de Rumont, qui n'existait pas le 8 mai 1945, puisque ici on était sur des champs, et ben ce quartier s'est développé dans le cadre des Trente Glorieuses, avec tout le secteur pavillonnaire qui s'est développé, mais aussi et surtout, et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse cette cérémonie au cœur de ce quartier, ces habitations de logements collectifs qui sont portées aujourd'hui par la société Vosgilis. Et il y a eu jusqu'à 2000 habitants ici, au cœur de Rumont. On est moins nombreux aujourd'hui, mais il y a eu jusqu'à 2000 habitants. Et c'était l'incarnation, justement, de cette France des Trente Glorieuses, d'une France industrielle, parce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers du secteur textile qui habitaient ici, à Rumont. Alors, à l'occasion du 50e anniversaire de la création de l'école de Rumont, nous avons fait une grande fête ici. J'ai souhaité, avec l'équipe municipale, on a souhaité faire une grande fête à l'école il y a quelques mois de cela. Et je pensais que c'était tout à fait naturel qu'à l'occasion de la 50e année d'existence de l'école de Rumont, de faire cette commémoration ici, en lien avec l'école de Rumont, avec les enseignants, avec les enfants, avec les familles. Et je vois qu'il y a de très nombreux parents qui sont parmi nous et j'en suis vraiment très heureux. Donc bienvenue à vous aussi, les mamans, les papas, les familles. Vous êtes importants ici au cœur du quartier de Rumont. Pourquoi je souhaite et pourquoi on souhaite avec l'équipe municipale associer les enfants? Parce que je le disais, il y a de moins en moins de témoins de cette période de la Seconde Guerre mondiale. Nous-mêmes, nous n'avons pas connu personnellement, évidemment, cette Seconde Guerre mondiale. En ce qui me concerne, c'est plutôt la génération de mes grands-parents. Mais on souhaite que la mémoire soit transmise, comme elle nous a été transmise quand on avait votre âge. Et c'est important que les enfants soient présents, que les jeunes, les adolescents, les futurs citoyennes et citoyens que sont les lycéens qui sont présents, soient présents pour que la mémoire perdure. Parce qu'il ne faut jamais oublier celles et ceux qui ont combattu pour la liberté, celles et ceux qui ont combattu pour une France libre, démocratique et surtout pour une France apaisée. Apaisée, d'autant plus à une période où, au XXIe siècle, on sait très bien que la guerre est toujours là. Elle est présente en Arménie, elle est présente au Soudan, elle est présente aussi depuis plus d'un an, aux portes de l'Europe, avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie. La paix, c'est un bien commun, mais il faut savoir le travailler tous les ans, tous les jours, toutes les semaines. Et c'est tout l'objectif que nous avons, nous, élus de la République, de pouvoir travailler sur la paix et de maintenir la France dans un pays apaisé. Donc en conclusion, mes chers amis, vive la République, vive la France, vive la liberté, vive l'égalité, vive la fraternité, vive Remiremont et vive le quartier de Rumont. De Rumont qui vont s'approcher. Un petit peu plus près et aux enseignants. Donc, nous allons vous écouter, c'est différent. Sur les ballons de l'école, sur ma peau, sur mon corps, sur le ciel étoilé et doré, j'écris ton nom. Sur les parois des puits, sur les belles baskets blanches, sur les murs qu'on aime, j'écris ton nom. Sur l'écran de la télévision, sur mes grands coussins magnifiques, sur mon journal intime, j'écris ton nom. Le soleil lumineux et brillant, sur la lune dans l'obscurité, sur les cieux remplis de nuages, j'écris ton nom. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes de guerriers, sur le rond de quoi j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfant, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les raisons fiancées, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté! Après le moment de la mémoire, c'est aussi le moment de l'espoir et c'est tout l'objectif de ce 8 mai et puis aussi du 9 mai qui est la journée de l'Europe. Est-ce que Véronique, tu veux dire un petit... Je veux remercier tous les enfants, mes collègues, les parents d'élèves, tous les officiels. C'est vrai qu'on a fêté les 50 ans de l'école, c'est une belle cérémonie, donc c'est dans la continuité, monsieur le maire l'a dit. Ça aurait été une grande année pour moi, merci à vous. Voilà, et ben je suis fière d'être là, présente avec vous. L'école de Rumont, ça aura été une grande partie de ma vie professionnelle, mais aussi de ma vie personnelle. Franchement, j'y suis bien et vous allez tous me manquer, hein. Mais bon, là, c'est pas encore la fin. Belle fin de cérémonie à tout le monde. Merci. On va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et donc, voilà, c'est tout un travail et je tiens à dire tout le travail et reconnaître tout le travail que mènent les enseignants de l'école de Rumont qui ont fait en sorte que cette école soit une école comme les autres, bien sûr, avec des résultats qui sont tout à fait satisfaisants. Et avec des parents aussi exceptionnels. Ben voilà, et je pense qu'on peut à nouveau applaudir Véronique et l'équipe enseignante pour tout le travail qui est accompli. Qui vont parler sur des élèves norvégiens, norvégiennes, hein, qui commencent à apprendre le français. Donc, ça sera en français ou... Donc, voilà, c'est tout à fait appréciable. C'est à vous. Merci beaucoup de nous accueillir pour ces jours de commémoration et célébration. Nous sommes un groupe de 8 lycéens et 2 professeurs de trice et lycée dans l'est de la Norvège, dans le cadre de Bourse Troll. Nous sommes arrivés au lycée Jeanne d'Arc la semaine dernière pour apprendre sur le passé, le présent, la démocratie et la langue française. Avec nos amis du lycée Jeanne d'Arc, nous avons visité le Parlement européen pour mieux comprendre la démocratie européenne et le rôle des langues pour la participation dans des processus démocratiques. Dans les crêtes des Vosges, nous avons vu des tranchées être un bunker de la Première Guerre mondiale. Et nous avons parlé des horreurs de la guerre pour des civils et des soldats. À Remeremont, nous avons appris sur la riche histoire de la ville du 10e siècle à nos jours. Évidemment, une ville fierté de son histoire, c'est un honneur de participer dans une telle journée. Ce qui est commun pour nos expériences, c'est qu'il y a des personnes courtes au milieu de cette histoire. Ça donne de l'espoir. En Norvège, qui était occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai est appelé le jour de libération. En France, c'est aussi jour de la victoire. Pour nos deux pays et autour du monde, c'est une journée importante pour que nous n'oublions pas les souffrances des victoires et aussi l'unité. Être ensemble, apprendre ensemble et se souvenir ensemble. C'est plus important que jamais. C'est vrai, c'est que le philosophe Georges Santamaria disait « Ceux qui ne peuvent pas se souvenir du passé sont condamnés à les répéter. » Merci encore une fois de nous accueillir et bon jour de la victoire. Et bravo, parce que très belle lecture, très très bon niveau de français, très bon niveau de français. Très admiratif, effectivement. Encore un tout petit peu de patience. Donc, voici les deux derniers discours pour aujourd'hui. C'est vrai que c'est toujours important d'associer la jeunesse lors de ces discours. Et même s'ils sont un tout petit peu moins jeunes, c'est quand même de jeunes élus. On a la chance d'avoir un jeune député et un jeune sénateur. Donc, dans l'ordre protocolaire, je vais donner la parole dans un premier temps à monsieur le sénateur, puis ensuite à monsieur le député. Donc, c'est à toi, Jean. À toutes et à tous, écoutez, je ne suis pas très bon en norvégien, je bredouille quelques mots d'anglais. J'ai presque envie de reprendre le poème que vous avez fait de Paul Éluard, parce que il nous appartient à toutes et tous. J'aurais presque envie de commencer mon allocution en vous disant, sur les murs de la mairie, Rumont, nous écrivons ton nom. sur les murs, sur le fronton de la gare de l'Est, nous continuons à écrire le nom de Remiremont. Sur le fronton du Sénat, les Vosges, j'écris ton nom. Voilà, j'avais envie de commencer par ça, parce que j'aime ce poème de Paul Éluard, et j'avais envie comme ça d'improviser quelques mots sur l'Éluard, cette grande personnalité qui a marqué l'histoire de la France. Vous dire qu'on est vraiment très heureux avec Jean-Benoît, toute l'équipe du conseil municipal, d'être avec vous aujourd'hui au Rumont. C'est un quartier que nous aimons, je dois le dire. Nous aimons aussi les habitants de Rumont. La première inauguration que j'avais pu faire avec l'équipe municipale quand j'étais maire, c'était le City Stade. Depuis, nous avons continué, Benoît, de venir dans les quartiers, porter la parole de la République et la parole de notre belle ville de Remiremont. Saluer naturellement les autorités militaires présentes, saluer nos amis gendarmes, nos amis de la police nationale, municipale, et nos amis sapeurs-pompiers, notre harmonie municipale aussi, et puis nos porte-drapeaux avec un nouveau porte-drapeau, que je me permets de dire, parce que nous en sommes fiers, notre cher ami Jean-François Olvec, conseiller municipal, et dorénavant qui porte haut et fort les couleurs de la France, et saluer naturellement toutes les personnes qui s'investissent dans nos associations de Remiremont, que ce soit les associations patriotiques, les scouts, la musique, les associations sportives, les associations culturelles, les associations aussi qui aident à l'intégration, puisque comme tu l'as dit, cher Jean-Benoît, il y a les Romarémontins depuis plusieurs générations, et puis il y a ceux qui sont venus habiter récemment à Remiremont, parfois qui viennent de loin, et nous sommes heureux de vous accueillir dans notre belle commune de Remiremont. Voilà, je ne serai pas plus long, j'espère que vous passerez et que vous passez une belle cérémonie à nos côtés. Soyez sûrs de tout notre soutien, de toute notre amitié, parce que le Rumont, ça compte, et c'est à partir d'ici qu'on peut voir Remiremont, voir nos vallées, voir la montagne. Donc vive le Rumont, vive Remiremont et vive les Vosges. Tout d'abord, saluer et remercier pour son invitation, monsieur le maire Jean-Benoît Tisserand. Cher Jean-Benoît, merci beaucoup, monsieur le sénateur, mon cher Jean. Je voulais tout d'abord m'excuser pour les quelques minutes de retard, mais j'étais à la cérémonie patriotique de Saint-Étienne-lès-Remiremont, voisine, amie, et le temps de faire la route, cela explique cela. Je voudrais saluer, bien entendu, les représentants de la gendarmerie, de la police, du premier régiment, saluer les sapeurs-pompiers, l'harmonie, les scouts ici présents, toutes les associations romarimontaines, les romarimontains, les romarimontaines, et notamment les habitants du quartier de Rumont, saluer le conseil municipal de Remiremont dans son ensemble, remercier et saluer le travail qui a été fait par les enfants, par les enseignants, que ce soit en primaire comme au lycée, avec la classe norvégienne. On est aujourd'hui ensemble pour célébrer ce 8 mai, 78 ans après la fin de la guerre, mais aussi se rappeler que deux ans avant cela, il y a 80 ans exactement, en 1943, date ô combien symbolique, car elle est le lancement du Conseil national de la résistance, elle est aussi les premiers éclats, les premières défaites de l'armée allemande, avec la déroute de l'Afrika Korps, avec la défaite de l'armée allemande à Stalingrad. Elle est aussi le premier visage de cette France martyrisée, avec Jean Moulin, avec le groupe Manoukian. Et tous ces symboles doivent nous rappeler l'importance de la liberté et le fait que nous vivions ensemble aujourd'hui en démocratie dans un pays tel que la France. On a parfois tendance à l'oublier, parfois tendance à se désoler. Il est important de se rappeler ce qu'était la France il y a 80 ans de cela, en 1943. Et c'est pourquoi il est symbolique et important d'avoir pu voir les enfants de l'école de Rumont réciter ce poème de Paul Éluard, mais il est aussi important d'avoir cette classe de lycéens norvégiens. Rappeler que pour la plupart, ils n'ont jamais connu de conflit, et ces deux symboles, la jeunesse et le travail qui est nécessaire de faire, et par l'éducation nationale, mais aussi par tous les, les porte-drapeaux, les associations patriotiques, vraiment que je remercie pour leur présence aujourd'hui. Ce devoir, alors j'aime pas utiliser ce terme de devoir, mais en tout cas ce travail de mémoire pour justement travailler sur ce qui était la France à cette époque et rappeler à tous ces enfants qui ne l'ont pas connu tout le sacrifice des hommes et des femmes entre 1939 et 1945 qui permet de vivre, qui nous permet aujourd'hui de vivre en démocratie. Et pour ces lycéens norvégiens, rappeler que cette guerre, elle a été mondiale, que si nous en sommes sortis, c'est aussi grâce à cette valeur de fraternité bien entendu ici sur le territoire français, mais aussi sur le territoire européen et sur le territoire mondial. Et j'aurai l'occasion cet après-midi d'être à Basse-sur-le-Rue pour rendre hommage aux goûts marocains qui ont contribué à la libération de nos vallées. Et vraiment, c'est hautement symbolique de pouvoir avoir ces étudiants européens présents ici avec nous. Donc vraiment, que ce soit pour Remiremont, que ce soit pour notre département des Vosges, mais aussi tout simplement pour notre pays, c'est important de commémorer tous ensemble ce 8 mai 1945. Un grand merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence aujourd'hui ici au quartier de Rumont. Et vive la République et vive la France. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens entre des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Vraiment, je vis en de sombres temps, un langage sans malice et signe de sottise, un front lisse d'insensibilité. Celui qui rit n'a pas encore reçu la terrible nouvelle. Que sont donc ces temps où parler des arbres est presque un crime, puisque c'est faire silence sur tant de forfaits? Celui qui là-bas traverse tranquillement la rue n'est-il donc plus accessible à ses amis qui sont dans la détresse? C'est vrai, je gagne encore de quoi vivre. Mais croyez-moi, c'est pur hasard. Manger à ma faim, rien de ce que je fais ne m'en donne le droit. Par hasard, je suis épargné, que ma chance me quitte et je suis perdu. On me dit « mange-toi et bois, sois heureux d'avoir ce que tu as ». Mais comment puis-je manger et boire alors que j'enlève ce que je mange à l'affamé, que mon verre d'eau manque à celui qui meurt de soif, et pourtant je mange et je bois? J'aimerais aussi être un sage. Dans les livres anciens, il est dit ce qu'est la sagesse, se tenir à l'écart des querelles du monde et sans crainte passer son peu de temps sur terre, aller son chemin sans violence, rendre le bien pour le mal, ne pas satisfaire ses désirs mais les oublier, être aussi tenu pour sage. Tout cela m'est impossible. Vraiment, je vis en de sombres temps.

plus jamais on ne puisse rentrer dans une pharmacie et entendre le pharmacien nous dire « Je suis désolé, on ne vous fournira pas le médicament dont votre enfant a besoin. » Ce n'est pas un problème français, c'est un problème européen et nous en sortirions grandis. Peut-être ne saviez-vous pas écrire cette proposition de loi. Alors je me suis dit, c'est vrai que c'est embêtant. Et puis dans la période du compromis, du transpartisan, comment aurions pu nous faire? Et puis là, je me suis dit, mais dis donc, une proposition de loi, au mandat précédent, était proposée la rapporteure Fiat, si vous la connaissez, groupe parlementaire La France Insoumise. Et écoutez bien, parce que c'est quand même, il faut se rappeler, le groupe La République En Marche, vous appeliez comme ça à l'époque, l'a vidé totalement cette proposition de loi en précisant que la rapporteure Caroline Fiat et son groupe n'étaient là que pour affoler la population française, parce que, évidemment, dans notre pays, nous ne manquerions jamais de médicaments. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Vous nous parlez de pavoisement, vous nous parlez de drapeau européen, plutôt que de nous parler de la seule chose la plus Merci. Importante, la Merci vie de nos de enfants. Conclure. Je vous remercie. Et le rétablissement de nos comptes, ça ne me fait pas peur. Vous avez eu un comportement pitoyable. La première des exigences communes à l'intersyndicale sera bien le retrait de la réforme des retraites. Il faut faciliter l'usage du référendum en France. C'est constitutionnellement impossible. Emmanuel Macron qui écrit à ses électeurs, Elisabeth Borne qui va rencontrer les syndicats, Bruno Le Maire et Gabriel Attal qui font de l'obstruction à l'Assemblée et Aurélien Pradier qui veut un référendum sur l'immigration. C'est le sommaire de ce numéro 27 de Pôle Express. Le roi nous a écrit, pas la momie de Buckingham, le nôtre, celui de l'Élysée. Une petite bafouille sur Twitter, presque un post-it collé sur le réfrigérateur. Je tâche à la responsabilité qui est la mienne et dans la fonction que vous m'avez confiée, d'œuvrer au service de tous les Français, de nos enfants et de l'intérêt général. Visiblement, l'Altesse est en détresse et son moral est dans les chaussettes. Car pourquoi célébrer publiquement l'anniversaire de son élection un an après celle-ci? L'événement n'a rien d'exceptionnel, d'autant que le président ne s'est pas manifesté à l'occasion des 5 anniversaires précédents. Croyait-il ne pas tenir aussi longtemps? Un bout de gâteau avec Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, aurait suffi. 6 bougies, une coupette de champagne et on passait à autre chose. Le retrait de la réforme. Non, Je blague. Pourquoi encore Emmanuel Macron ne s'adresse-t-il qu'à ses électeurs de 2017 et pas ceux de 2022 ? Après tout, ces derniers sont peut-être plus méritants que les premiers. Ils n'avaient plus d'illusions sur le personnage. Faut-il lire dans ce ciblage des destinataires la reconnaissance implicite que sa réélection fut davantage un choix de raison plutôt qu'une adhésion. Il s'agissait d'abord de faire barrage à Marine Le Pen. Surtout, ce message ne veut rien dire. « Je tâche d'œuvrer au service de tous les Français, de nos enfants et de l'intérêt général », écrit Emmanuel Macron. Mais c'est bien le moins qu'on puisse attendre d'un président de la République. Même si, aujourd'hui, une grande partie de l'opinion est convaincue qu'il est le président des riches. « Comptez sur tout mon engagement et ma détermination », conclut le président. S'il éprouve le besoin d'exprimer ce rappel, c'est donc que dans son propre camp, on commençait à douter de son implication. À l'évidence, le chef de l'État veut rassurer le dernier carré de ses grognards, leur dire qu'il n'est pas ce président désemparé face au désamour du pays, qu'il en a encore sous la semelle. Manifestement, l'exercice de communication est raté. Il n'aura fait qu'inquiéter ceux qui soutiennent encore le chef de l'État et irriter un peu plus ceux qui le détestent déjà. C'est un nouveau revers pour le bloc présidentiel. Jeudi dernier, l'addition des oppositions a permis l'adoption d'une proposition de loi protégeant EDF d'un démembrement. Il s'agissait de la seconde lecture d'un texte qui, initialement, prévoyait la renationalisation d'EDF. Le Sénat a retiré cette possibilité, mais a conservé l'intention du texte. Je vous en avais parlé dans un entretien avec le député socialiste Philippe Brun et le sénateur communiste Fabien Gay. Le gouvernement avait le projet de céder au privé les activités les plus rentables du groupe. Eh bien, c'est plutôt compromis. Et c'est tant mieux pour le pays. Ce vote est intervenu dans le cadre de la niche parlementaire du groupe communiste. Pendant 24 heures, celui-ci a eu la maîtrise de l'ordre du jour. Et justement, après la proposition de loi sur EDF, il y avait un texte proposant d'indexer sur l'inflation la dotation globale de fonctionnement. La dotation globale de fonctionnement, c'est l'argent que l'État reverse aux collectivités locales pour qu'elles exercent leurs compétences. Pour les macronistes, pas question de laisser passer cette proposition de loi. Orthodoxie budgétaire oblige. Mais voilà, les députés du camp présidentiel étaient en nombre insuffisant à cette heure-là. Bruno Le Maire et Gabriel Attal se sont alors livrés à un numéro d'obstruction ministérielle inédit. Objectif, faire durer les débats pour empêcher que se déroule le vote. Passé minuit, en effet, la séance est levée. C'est comme dans Cendrillon, la pantoufle de verre en moins. Une stratégie totalement assumée par les intéressés. Monsieur le député Chassaigne, 2 heures sur les finances publiques et le rétablissement de nos comptes, ça ne me fait pas peur. Et vous savez... N'est pas Fidel Castro qui veut, monsieur le député Chassaigne, et je n'ai pas la prétention d'arriver à votre hauteur en matière de longueur de discours, ni de qualité de discours. Mais s'il faut s'étendre 2 heures sur les finances publiques, je n'hésiterai pas à le faire. Au total, Bruno Le Maire et Gabriel Attal vont s'exprimer pendant 1 heure et 10 minutes, alors que d'ordinaire, les interventions des ministres n'excèdent pas 10 minutes. Et encore, un comportement dénoncé par Sébastien Jumel. On avait commencé le débat sur les retraites en disant « vous nous faites pitié ». Ce soir, constatant votre absence de majorité, vous avez eu un comportement pitoyable. On avait cru comprendre dans le règlement intérieur que vous aviez utilisé toutes les ficelles. 47.1, procédure accélérée, recours massif aux ordonnances, 49.3. Ce soir, vous venez d'inventer, pour refuser de répondre à la réalité des collectivités territoriales, la diarrhée verbale ministérielle. Pitoyable, monsieur Attal. Cette attitude présage mal du déroulement de la prochaine niche parlementaire, celle du groupe Liot. Le 8 juin, une proposition de loi abrogeant le report à 64 ans de l'âge légal du départ en retraite doit être examinée. Le gouvernement et les députés qui le soutiennent vont-ils se livrer à la même obstruction que celle qu'ils ont dénoncée chez les députés de la NUPES ? Après le 49-3, il n'est pas sûr que l'opinion approuve. Elisabeth Borne a certainement passé un week-end un peu moins désagréable que d'ordinaire. 3 des principales centrales syndicales ont répondu favorablement à l'invitation qu'elle a lancée vendredi pour des échanges à Matignon, la CFTC, la CFDT et la CGT. Force ouvrière doit donner sa réponse mercredi. Si Laurent Berger avait laissé entendre qu'il continuerait à négocier avec l'exécutif, il n'en allait pas de même pour la CGT. Sophie Binet avait annoncé la couleur dès son élection à la tête de la centrale. Tant qu'il n'y a pas de retrait de cette réforme des retraites, Il n'y aura pas de négociation. Il faut retirer cette réforme des retraites. Mais voilà, la CGT pouvait-elle se couper de l'intersyndicale en pratiquant la politique de la chaise vide? On voit bien que certains disent, ça y est, donc voilà, on tournerait la page en effet de la réforme des retraites. Pas du tout, hein, puisque, je l'ai dit, la première des exigences communes à l'intersyndicale sera bien le retrait donc de la réforme des retraites et les mobilisations continuent d'ailleurs. L'entrevue risque donc de tourner court. Officiellement, il n'y a pas d'ordre du jour pour ces entretiens qui vont se dérouler en bilatéral, comme on dit chez les technos, c'est-à-dire en tête-à-tête. Mais Elisabeth Borne abordera certainement la transformation en projet de loi de l'accord des partenaires sociaux sur le partage de la valeur ajoutée en entreprise. C'est ce qu'on appelle l'ANI, l'accord national interprofessionnel. Une mise en bouche au regard du second chantier, la réforme de Pôle emploi. L'organisme va changer de nom, il s'appellera France Travail. Objectif affiché, approcher les 5% de chômeurs contre un peu plus de 7% aujourd'hui. Je parle bien sûr des chômeurs inscrits à Pôle emploi, pas de ceux qui sont radiés à tour de bras par cette agence. France Travail a vocation à devenir le guichet unique des demandeurs d'emploi. Quand on voit comment marche Pôle emploi, il y a tout lieu d'être inquiet sur les performances de cette future usine à gaz. Seule certitude, les chômeurs vont trinquer. Suspension des allocations en cas d'engagement non tenu et RSA conditionné au suivi de 15 à 20 heures d'activité d'insertion par semaine. Je vous en avais parlé en février dans le numéro 16 de Pôle Express. À droite, la guéguerre continue. Le chef de file des frondeurs, le député du Lot Aurélien Pradier, et son lieutenant Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais, se sont fendus d'une tribune dans le journal du dimanche pour réclamer un référendum d'initiative partagée sur l'immigration. On s'en souvient, le gouvernement a renvoyé à l'automne, et peut-être à jamais, l'examen du projet de loi sur le sujet. Un projet de loi concocté par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. Pradier et son compère font d'une pierre deux coups. Ils flinguent le gouvernement, qu'ils accusent d'une démission politique majeure, et prennent de vitesse Éric Ciotti, le président de leur propre parti. Celui-ci s'apprête en effet à déposer au nom de son groupe une proposition de loi sur le sujet. Le député des Alpes-Maritimes réclame par ailleurs un référendum. Aurélien Pradier veut une immigration haut de gamme. Concrètement, nous devons passer d'une immigration familiale subie, sous-qualifiée, à une immigration de travail choisie, surqualifiée, par exemple en ne délivrant aucun titre de séjour pour motif économique si l'emploi occupé par l'étranger n'est pas payé deux ou trois fois le SMIC selon les branches. Au passage, le député du Lot n'oublie pas de faire un petit clin d'œil à Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. Nous devons aussi avoir le courage de lutter contre la vision néocoloniale de la majorité présidentielle, consistant à faire appel à de la main-d'œuvre étrangère à bas coût pour occuper les postes dont les demandeurs d'emploi nationaux ne voudraient pas. Aurélien Pradier sait très bien que sa proposition d'un référendum d'initiative partagée n'a aucune chance d'aboutir. La procédure est trop compliquée. Coïncidence, même la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, en convenait dimanche. Le référendum d'initiative partagée vient d'être à nouveau rejeté par le Conseil constitutionnel. Il existe depuis 2008, nous sommes en 2023, il n'a jamais réussi à être activé. Donc il faut faciliter l'usage du référendum en France, que ce soit un référendum d'initiative citoyenne de l'exécutif ou un référendum d'initiative citoyenne. Au sein du parti, plutôt que de répondre sur le fond, on préfère mettre en doute la constitutionnalité de ce référendum. Mais non, je ne peux pas être favorable à un RIP sur la question migratoire, puisque c'est constitutionnellement impossible. À vrai dire, Aurélien Pradier se moque bien des questions juridiques. Il s'agit pour lui de doubler tout le monde en s'emparant d'un des principaux marqueurs de la droite. L'opération ne coûte pas cher, puisqu'il n'y aura jamais de référendum. Et elle peut rapporter gros en 2027, contre une certaine Marine Le Pen, par exemple. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Ça nous aide énormément. Et tant que vous y êtes, mettez un pouce. Vous pouvez encore vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien financier. Cette chaîne vit essentiellement de vos dons. Alors je vous donne rendez-vous sur Donorbox. Aidez-nous à continuer. Aidez-nous à vous proposer davantage de contenu. À jeudi pour le Bourbon de Serge. corbeaux et les cens sonnèrent, maman de passe dans le ciel, dans l'air neigeux dessus les genêts, qui s'abattent de rue comme grêle sur les labours de ce pays. Mon beau pays, à l'hiver soumis, quand reverrons-nous l'hirondelle, noire et blanche, noire et blanche, quand reverrons-nous l'hirondelle, blanche au ventre et noire aux ailes. Sur la campagne démembrée, le vent transit tout entière, en place des talus arrachés, pour ces arbres des cimetières, plantés tout noirs sur le pays. Mon beau pays, par l'hiver soumis, quand reverrons-nous l'hirondelle, noire et blanche, noire et blanche, quand reverrons-nous l'hirondelle, blanche au ventre et noire aux ailes. Arbres dressent branches nues vers les cieux gris silencieux, tendent leurs branches nues vers les nues, tandis que des loups orgueilleux hurlent partout sur le pays. Mon beau pays, par l'hiver soumis, quand reverrons-nous l'hirondelle, noire et blanche, noire et blanche, quand reverrons-nous l'hirondelle. Les gens immobiles se taisent, la langue engourdie dans la bouche, serrés autour de la troue la braise, on joue pareil au tas de souches, on voit fumer sur le pays. Mon beau pays, par l'hiver soumis, quand reverrons-nous l'hirondelle, noire et blanche, quand reverrons-nous l'hirondelle, blanche au ventre et noire aux ailes, quand reverrons-nous l'hirondelle, noire et blanche, quand reverrons-nous l'hirondelle, blanche au ventre et noire aux Les sondages en période électorale, en démocratie, ils peuvent avoir un certain pouvoir, notamment ils ont peut-être la capacité de fabriquer l'opinion publique. Il y a certaines personnes qui parlent même de prophéties autoréalisatrices, en tout cas que les sondages auraient peut-être un pouvoir prescripteur dans la manière d'orienter les votes. Ce qui est ressorti de cette analyse, c'est qu'il y avait certains candidats qui avaient été plutôt surestimés, surcotés on peut dire, alors que d'autres avaient été sous-évalués. C'est notamment le cas de Jean-Luc Mélenchon, qui a été systématiquement et très largement sous-évalué par les enquêtes d'opinion, alors que certaines personnes, comme notamment Emmanuel Macron, les instituts de sondage sont parvenus à, entre guillemets, prédire son score au dixième près. Cela fait seulement un an qu'Emmanuel Macron a été réélu à la fonction de président de la République en France. Et il fait déjà face à une immense fronde, déclenchée par son entêtement à imposer une réforme des retraites rejetée par une majorité écrasante de ses compatriotes. Vous avez un gouvernement corrompu. On n'a jamais vu un président avoir un gouvernement aussi corrompu que le vôtre. Non, il n'y a pas d'être gentil, c'est la réalité. C'est la réalité. Vous nourrissez des mais vous savez, juste, un beau jour, vous allez retomber. Hors de France, on observe avec amusement, mais aussi avec respect, les déjà 3 mois de résistance des Gaulois réfractaires. So, France is lucky to have the kind of bold social welfare policy that's getting rarer nowadays, but that is probably why they are fighting so hard to protect it. And I will say, these protests have brought out moments that are just quintessentially French. Take a look at this viral video from France. Diners in the city of Bordeaux, unfazed by demonstrators protesting against recent changes to the retirement age. Even with a raging fire nearby, these people are still managing to enjoy their wine and conversation at an outdoor cafe. Wow, that is on brand. I think it is safe to say that after a nuclear holocaust, the only creatures left standing will be cockroaches and an outlandishly relaxed wine-sipping French couple, entirely unfazed by the obliteration of society. Certains froncent tout de même les sourcils et se demandent comment ces satanés français ont-ils fait pour élire un président à près de 60% et pour le vomir de manière quasi unanime quelques mois plus tard. Et si on reparlait justement de cette élection présidentielle d'il y a un an? Un scrutin au second tour à la fois piégé et préparé de longue haleine par un grand nombre de médias mainstream. C'est notamment ce que démontre la journaliste et membre d'Acrimed, Pauline Perrenot, dans un livre sorti récemment aux éditions Agone, « Les médias contre la gauche ». Le duel Macron-Le Pen, une construction médiatique, écrit Pauline Perrenot, une construction médiatique qui passe massivement par les sondages. Si dimanche prochain avait lieu le premier tour de l'élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y aurait-il plus de chances que vous votiez? D'apparence anodine, cette question rituelle rythme les sondages d'intention de vote que commandent frénétiquement les médias. Pourtant, elle ne relève pas de l'information mais de la fiction, et elle conduit à dépolitiser le débat politique, donc à le vider de son sens. Après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République en mai 2017, l'IFOP pose cette question pour la première fois en octobre, par l'entremise du JDD. Et si on refaisait la présidentielle? S'enthousiasmait à l'époque le directeur de l'information, Hervé Gattegno, qui serinait sous le titre « Macron mieux que Macron ». Le chef de l'État améliorerait son score, Le Pen serait encore deuxième, Mélenchon reculerait. À l'aube du quinquennat était ainsi donné le coup d'envoi d'un feuilleton qui allait, cinq années durant, saturer le débat politique et conduire à l'exclusion de la gauche. Le duel Macron-Le Pen. De manière ravageuse, Pauline Perrenot égrène les résultats de près de 5 ans de sondage, se servant d'une liste de candidats dont la majorité ne se présentera pas au final lors de la présidentielle de 2022. Des sondages qui martèlent le duel Macron-Le Pen et projettent par exemple Jean-Luc Mélenchon à 8% ou à 12%. Le journaliste indépendant Julien Baldassara s'est quant à lui concentré sur les deux mois précédents la dernière présidentielle et sur les sondages qui étaient alors publiés. Il livre le résultat de son travail de compilation et d'analyse dans un article publié sur le site du Média. Il a également accepté de répondre à nos questions. Alors j'ai voulu revenir sur le sujet du traitement médiatico-sondager de certains candidats à l'élection présidentielle de 2022, tout simplement parce que j'ai constaté que un an plus tard, j'avais pas vu véritablement de réel bilan de cet exercice, notamment par les instituts de sondage. Et du coup, ça me semblait pertinent de revenir sur ce sujet, parce qu'en fait, on va voir que les sondages en période électorale, en démocratie, ils peuvent avoir un certain pouvoir, notamment ils ont peut-être la capacité de fabriquer l'opinion publique. Et voilà, on sait que avec la sociologie, il y a certaines personnes qui parlent même de prophéties autoréalisatrices. En tout cas, que les sondages auraient le pouvoir, auraient peut-être un pouvoir prescripteur, notamment dans la manière d'orienter les votes. Alors ma méthodologie, elle a été très simple. En fait, je me suis basé sur une liste exhaustive de 78 sondages qui ont été réalisés par les 10 instituts, par les 10 plus gros instituts de sondage, sur une période de 8 semaines précédant la date du premier tour, donc 2 mois. Et en fait, ce qui est ressorti de cette analyse, c'est qu'il y avait certains candidats qui avaient été plutôt surestimés, surcotés, on peut dire, alors que d'autres avaient été sous-évalués. Bien entendu, nous lui avons demandé quel candidat avait eu le privilège d'être bien évalué, la chance d'être surévalué et le malheur d'être sous-évalué. 3 profils sont ressortis des explications de notre confrère. Commençons par Emmanuel Macron. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les instituts de sondage, en fait, souvent assurent leurs arrières, si jamais ils font des erreurs trop importantes, en disant que les chiffres qu'ils communiquent ne sont que des photographies à un instant T. En aucun cas, ce sont des projections ou des pronostics. Donc, par exemple, pour Emmanuel Macron, ce qu'on peut voir, c'est que 2 mois avant, il était sondé. On lui donnait, par exemple, des scores allant de 35 à 25%. Donc, c'est tout à fait considérable et c'est même au-dessus de ce qu'il a fait réellement. Mais lorsqu'on prend la totalité des 78 sondages qui ont été réalisés sur les 8 semaines qui précèdent le premier tour, on se rend compte en ce qui concerne Emmanuel Macron que les instituts de sondage sont parvenus à trouver son score exact le soir du premier tour au dixième près. Bien heureux est-il. Julien Baldassara s'est également attardé sur le cas Éric Zemmour. Et surprise, les sondeurs le voyaient plus beau qu'il ne l'était en réalité. Alors, s'agissant du cas d'Éric Zemmour, ce qu'on peut voir, c'est que en grande majorité, quand on prend toujours ces mêmes 78 sondages, lorsqu'on fait la moyenne, on y obtient un chiffre lissé de 10,5% des intentions de vote. Donc, c'est-à-dire que les sondages l'ont crédité à 3,5 points de plus que son score réel au soir du premier tour, sachant qu'il a été même parfois crédité de beaucoup plus et que les projections les plus basses le concernant étaient à 8%. En réalité, le soir du premier tour, le candidat de Reconquête n'obtiendra que 7% des suffrages. Donc je pense qu'on peut dire qu'il a été quand même relativement surévalué pendant cette période. On ne va pas jouer les étonnés. Le candidat sous-évalué par les sondages, c'était Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors Jean-Luc Mélenchon fait figure d'exception dans ce traitement médiatico-sondagier, toujours sur cet échantillon de 2 mois précédant le soir du premier tour, dans la mesure où le candidat de l'Union populaire a été très largement et systématiquement sous-évalué par les enquêtes d'opinion. Ainsi, en moyenne, Jean-Luc Mélenchon a été crédité sur les 2 mois précédents, en moyenne, de 13,8% des intentions de vote, alors qu'en réalité, le soir du premier tour, il en a obtenu 21,9. C'est 8 points de moins donc que son score réel, sachant aussi que l'estimation la plus basse le concernant était même à 10,5%. Donc on est même, c'est plus du double, enfin c'est 2 fois moins que son score réel le soir du premier tour. Et la projection la plus haute était de 18%. Donc même quand on prend la projection la plus haute, on reste quand même largement plus bas que ce qu'il a fait le soir du premier tour. Et ce qu'on observe, et c'est là ce qui est plus problématique d'un point de vue démocratique, c'est que même quand on applique les marges d'erreur derrière lesquelles se réfugient les instituts de sondage quand ils publient des chiffres qui sont un peu inexacts, on se rend compte que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, à 2 semaines du premier tour, il était sondé à 16%, donc avec une marge d'erreur appliquée vers le bas à 14, parce que les instituts de sondage prennent en moyenne toujours 2 points de marge d'erreur. Et quand on applique cette marge d'erreur vers le haut, on obtient 18%. Donc on voit que même quand on applique une marge redressée vers le haut, on voit que, encore une fois, le compte n'y est pas, s'agissant de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi peut-on considérer, avec le recul, que ces erreurs sondagières ont pu avoir un effet sur le cours de la campagne et peut-être même sur l'issue du scrutin? Au-delà des chiffres bruts des sondages, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en période électorale, les sondages d'intention de vote servent de trame au discours médiatique. En fait, ce sont les sondages, de plus en plus resserrés dans le temps à mesure qu'on approche du premier tour, qui vont servir à finalement fabriquer le bruit de fond médiatique, donc sur les matinales radio, sur les plateaux télé, sur les bandeaux des chaînes d'infos en continu. Les conséquences de cette sous-estimation chronique de Jean-Luc Mélenchon pendant les 2 mois qui précèdent l'élection, elles sont multiples. La première, on la voit en fait au dernier sondage quotidien qui a été publié sur la chaîne d'information en continu LCI à 48 heures du scrutin. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 48 heures du scrutin, Jean-Luc Mélenchon était annoncé à 17% des intentions de vote et Marine Le Pen à 24%. Donc en fait, ça veut dire que dans la tête des téléspectateurs et donc potentiellement des électeurs, à moins de 48 heures du premier tour, il y a encore un écart très grand entre les deux candidats, alors qu'en réalité, on a bien vu que le soir du premier tour, l'écart entre les deux candidats était de 1%, de 1 point, pardon, l'équivalent de 420 000 voix. Donc on peut se demander si cette sous-estimation jusqu'à 48 heures avant n'a pas eu un impact, notamment sur l'arbitrage de certains électeurs, de gauche notamment, dans leur choix soit de voter pour leur petit candidat à gauche de cœur, on va dire, alors petit candidat évidemment avec de gros guillemets, ou plutôt de se reporter sur le candidat le mieux placé à gauche s'ils avaient estimé qu'il y avait une réelle chance pour Jean-Luc Mélenchon de passer devant Marine Le Pen. Une autre chose problématique par rapport à cette sous-estimation de Jean-Luc Mélenchon, c'est que en fait, si les sondages étaient parvenus à restituer le duel archi-serré à venir entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon à 48 heures du premier tour, au lieu de marteler comme ils l'ont fait un an auparavant, comme une évidence et une fatalité le duel à venir entre Macron et Le Pen, comme quelque chose vraiment comme une fatalité, eh bien on peut facilement imaginer que l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon serait parvenue à installer dans le champ médiatique des éléments de langage comme la possibilité de voir la gauche au second tour, la possibilité de voir de pouvoir faire barrage à Marine Le Pen dès le premier tour. Et donc en fait ce qu'on se rend compte, c'est que c'est presque finalement la physionomie du vote qui aurait été très différente. Pour que l'on puisse bien se représenter les conséquences de cette sous-évaluation à la fois importante et systématique, Julien Baldassarre a fait un peu de politique fiction. Il a pris les visuels graphiques illustrant l'état des sondages avec les chiffres un peu fantaisistes qui s'y trouvaient et a décidé de nous montrer à quoi ressembleraient ces visuels si les sondages étaient rapprochés de ce qui allait être par la suite les vrais résultats. Exemple. Le 5 mars 2022, France Info évoque un sondage qui place Emmanuel Macron à 30,5%, Marine Le Pen à 14,5%, Éric Zemmour à 13% et Jean-Luc Mélenchon à seulement 12% au coude à coude virtuel avec Valérie Pécresse qui au final n'aura même pas 5%. Le tableau est ainsi résumé par France Info. Présidentiel, Emmanuel Macron s'envole dans les sondages. Corrigé rétrospectivement par Julien Baldassarre, ce tableau comporte des pourcentages totalement différents et une conclusion tout aussi différente. Présidentielle, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen toujours au coude à coude. Vu comme ça, évidemment que cela change quelque chose dans les perceptions. Julien Baldassarre nous montre que dans certains cas, chez certains analystes, il y a autre chose que de simples erreurs. Si on prend un exemple précis, celui d'un article paru 2 semaines avant le premier tour, sur le site d'info public, donc France Info, on se rend compte qu'il y a un titre qui nous parle de la tendance haussière de Jean-Luc Mélenchon, mais qu'en réalité, France Info prend le parti de faire un chapeau dans lequel il fait intervenir un politologue qui dit que cette tendance à la hausse, sachant qu'à l'époque il parlait de 14-15%, donc voilà, même avec cette tendance haussière, on était encore largement plus bas que le score réel, mais en fait, il donnait la parole au politologue dans le chapeau directement pour dire que cette tendance allait s'arrêter et qu'en fait, ce 14-15% était probablement, très probablement, un plafond de verre pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, un maximum, une limite difficilement franchissable. Ce qui est problématique avec cet article, c'est que quand on regarde en détail le contenu du papier, on se rend compte qu'au final, il y a très peu d'arguments, sinon l'argument d'autorité est lié au titre universitaire de ce politologue, et que finalement, à ce moment-là, mais aussi plus tard, rien n'indiquait que 14 ou 15% pouvait être un plafond de verre pour le candidat de l'Union populaire. J'ai demandé à Julien Baldassarre quel regard il portait sur l'inflation sondagière qui caractérise le journalisme politique français contemporain, et aussi si à la suite de cette bérésina de 2022, une sorte d'examen de conscience avait eu lieu au sein des rédactions et des instituts de sondage. En soi, quand on prend du recul et qu'on réfléchit bien, en quoi on a besoin de savoir 1 an, 6 mois, 2 mois, 1 semaine avant qui va gagner, un peu comme ça, dans cette espèce d'esprit de course de petits chevaux. En réalité, ce qu'on peut légitimement penser, c'est que ces sondages sont peut-être là pour, entre guillemets, conditionner le corps électoral. Et comme ça, dans un espèce... alors, je ne sais pas si le mot est bon, mais dans un espèce de bourrage de crâne, en fait, l'idée, c'est de créer une atmosphère plus ou moins favorable à tel ou tel candidat. Et du coup, bah, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que ça pose probablement un problème démocratique, dans le sens où quand il y a de tels écarts entre les projections et le score exact, en fait, ça met des biais dans l'élection qui sont, je pense, problématiques d'un point de vue démocratique. Pour le bilan, particulièrement en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, parce qu'en fait, les autres candidats, on voit qu'en fait, globalement, ils ont plutôt été bien sondés, à part Éric Zemmour qui, lui, a été surévalué. Il n'y a vraiment que Jean-Luc Mélenchon qui a bénéficié de ce traitement de défaveur qui est l'équivalent de 8 points de moins. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est que à part un article du Monde qui essayait de faire le bilan de tout ça, mais sans vraiment tenter d'expliquer cette sous-évaluation chronique, il n'y a pas eu véritablement de bilan et en fait de compte à rendre du point de vue des instituts de sondage, sinon les traditionnelles marges d'erreur de moins 2 ou de plus 2. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas véritablement de bilan ou d'explication qui ont été données par rapport à cette sous-estimation de Jean-Luc Mélenchon. Il faut savoir que même le temps de parole des candidats en campagne, tel que calculé par l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dépend en tout cas en partie des résultats des études d'opinion. Dans quelle mesure un tel fiasco sondagier, voulu ou pas, peut-il être assimilé à un brouillage du jeu électoral, voire à une entrave à la sincérité du débat? Les discussions sont ouvertes. N'oubliez pas de signer la pétition pour que le média, votre média, soit diffusé à la télévision en allant sur unetelepourvous.lemediatv.fr. Soutenez le média, restez connectés aux médias. Les cigares, ils changeront de bouche. Quand les stars, elles changeront de main. Quand la bonne soupe, elle changera de louche. Qui sera dans le bottin. Quand les gibus, ils changeront de tête. Quand les bagous, elles changeront de doigts. Quand l'omarie changera de fourchette. Les employés, on sera les rois. Il faudra plus nous négliger. C'est nous qu'on sera les PDG. C'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même en Rockefeller. Je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sauvages changeront de derrière, qui c'est qui changera de biniou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors la vie, et gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche. Quand les stars, elles changeront de main. Quand la bonne soupe, elle changera de louche. Qui sera dans le potin. Quand les gibus, ils changeront de tête. Quand les bagous, elles changeront de doigts. Quand l'homard, il changera de fourchette. Les employés, on sera les rois. Il faudra plus nous négliger. C'est nous qu'on sera les PDG. PDG. Secret d'info. Jacques Monin sur France Inter. Et nous recevons maintenant Michel Tedoldi, bonjour. Bonjour. Vous publiez chez Albin Michel Un pacte avec le diable. C'est un livre qui révèle que de nombreux anciens scientifiques nazis ont été recrutés par la France après la Deuxième Guerre mondiale. Les mirages de Dassault, si on vous lit, ou encore la fusée Ariane, leur seraient redevables. Alors on va en parler, mais d'abord expliquez-nous, vous expliquez que vous avez eu beaucoup de mal à trouver de la documentation sur le sujet. C'est-à-dire que je suis tombé sur le sujet par hasard. Je voulais faire la biographie d'un personnage qui s'appelait Marcel Balta, qui a été un lobbyiste de l'amiante. Et je tombe sur une petite phrase de Wikipédia où il aurait travaillé pour rechercher et repérer des scientifiques allemands à la libération. Donc je me suis dit, tiens, c'est une histoire bizarre. Est-ce que ça aurait été comme l'histoire de Von Braun? Le même principe. Von Braun, donc le concepteur des V2, qui lui est parti en Amérique, aux États-Unis. Qui est parti en Amérique, aux États-Unis, et qui a été recruté à la même époque que ce qui va se passer par la suite. Et donc, j'ai commencé à chercher, et ça a été assez compliqué, parce qu'il n'y avait aucune trace dans tout ce qui est papier. Il n'y avait aucune trace dans les histoires de l'aviation, dans les histoires de l'aéronautique et tout. Et donc, il a fallu, par hasard, que je tombe sur un papier qui datait de 1999 de l'Express, où on évoquait un peu cette affaire, et après je suis parti à la... C'est un travail qui m'a pris 6-7 ans, hein, parce qu'il a fallu que j'aille... Vous tirez un fil, et ensuite, petit à petit, la pelote se déroule. Ouais. Il y a un nom qui est très important, c'est celui d'Hermann Oestrich. Absolument. Hermann Oestrich, c'est le symbole de cette opération. C'est un ami d'Hitler, c'est un proche du pouvoir, il est complètement impliqué dans le nazisme, c'est lui qui va mettre au point, sur commande personnelle d'Hitler, le moteur à réaction des Messerschmitt. Et il a travaillé jusqu'au dernier jour dans les tunnels du Stratfurt. Bon, ma prononciation n'est pas très bonne. Il a travaillé et il commandait des déportés. Et il est arrêté. Et les Américains, encore eux, s'aperçoivent que quand même, il est assez intéressant. Donc, ils lui font une proposition. Ce qu'il faut bien voir, tous ces gens... Alors, c'est ça qui est assez fascinant. Il y a une guerre entre les différents pays pour s'accaparer les cerveaux allemands, en fait. Absolument. C'est terrible. Et surtout, contrairement à ce qu'on pense, tous ces scientifiques étaient en position de force. C'est-à-dire que c'est eux, On était dans le libéralisme à tout craint, et c'est eux qui décidaient de, avec qui ils allaient travailler. Donc, il est contacté par les Américains lui font une proposition, mais elle ne l'intéresse pas. Et les Français, par quelqu'un du STO, moi je pense que c'est Georges Marchais, mais j'ai pas de preuves, quelqu'un du STO le contacte. Et les services secrets français le contactent et l'extradent. Il l'emmène dans une voiture banalisée jusqu'en France, au cabinet de Tillon, où là, il négocie un accord. Tillon, alors, Charles Tillon, pardon, excusez-moi, Charles Tillon, le ministre de l'Air de l'époque. Et il négocie un accord avec le ministère de l'Air où il obtient tout ce qu'il demande, c'est-à-dire il embauche 170 ingénieurs qui travaillent avec lui, il a la totale liberté de déplacement et il obtient financièrement un accord absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'il obtiendra 5% du prix de vente de chacun des réacteurs qu'il fabriquera. Ce qui fera qu'à la fin... Voiture avec chauffeur. Et, oui. Et Légion d'honneur, il obtient la Légion d'honneur en 1962. Absolument, en 1962, il obtient la Légion d'honneur. Il y a un passage très cocasse que j'ai là, que je pourrais vous lire, si vous voulez, sur ce qui est stipulé sur la Légion d'honneur, comme quoi il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'il ait la Légion d'honneur parce qu'il s'est bien conduit pendant la guerre. Donc, ce qui est assez surréaliste. Et là aussi, alors il s'installe avec toute sa cohorte d'ingénieurs et d'Allemands notamment au bord de la Nièvre. Et là aussi, il ne reste rien. Il n'y a rien dans la presse. Il n'y a pas de traces publiques. Comme si on avait voulu non pas effacer ces traces, mais faire en sorte qu'elles n'aient jamais existé. Il y a un petit article, c'est tout, mais il se passe rien. C'est-à-dire que vous avez 500 Allemands. On est en 46 quand même, donc un an après la Nièvre, où il y a eu beaucoup de résistants, donc 500 Allemands qui arrivent... Ça passe pas inaperçu. Bah non, ça passe pas vraiment inaperçu. Même Jacques Duclos, le numéro 2 du PC de l'époque, descend sur place. Il y a un meeting, parce que c'est l'anniversaire de la naissance de Saint-Just, et il déclare, c'est assez fascinant la phrase, il déclare aux gens présents au meeting, « Ceux qui sont contre les Allemands sont des collaborateurs ». Donc, ce qui calme absolument toute velléité. Et il reste 2 ans à Decize. Et ensuite, il part sur Paris, donc au bord de la Nièvre. Au bord de la Nièvre. Et ensuite, il part sur Paris. Et après, il y a toute l'histoire avec Dassault, qui est quand même... Ce qu'il faut voir, ce qu'on sait... Parce que je disais en introduction, mais donc vous nous expliquez qu'en fait, les mirages, par exemple, on les doit à d'anciens scientifiques nazis. Ah, complètement. Et c'est la même chose dans la conquête spatiale où finalement, là aussi, on se retrouve avec 150 pavillons construits spécialement pour un certain nombre d'ingénieurs, avec à leur tête d'anciens nazis également, mais là c'est à Vernon dans l'Eure. Absolument, avec à leur tête Bringer, qui est celui qui a mis au point Heinz Bringer, le moteur de la fusée Ariane. Alors ce qui est intéressant avec Heinz Bringer, c'est que moi je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai dégoté une longue interview vidéo de 3 heures, avec des historiens, donc il a travaillé à Dora. Dora, c'était un camp, un tunnel, c'était à côté de Buchenwald, c'est là où étaient fabriqués les V1 et les V2. Et il a travaillé avec des déportés, enfin avec des déportés sous ses ordres, et au cours de l'interview, il y a une phrase absolument surréaliste, parce qu'il n'y a aucun remords chez ces gens-là, c'est ça qui est terrible, qui explique, quand on lui pose la question des conditions de vie des déportés, il explique, mais ces gens avaient de très bonnes conditions de vie, et ils étaient très bien nourris, et s'ils avaient continué, ils auraient pu vivre centenaires. Alors qu'on sait qu'il y a eu des milliers et des milliers de morts. Donc il y a un cynisme, toute cette opération est d'un cynisme terrifiant. Ouais. Alors tout ça est très documenté dans votre livre, et en même temps on s'étonne des estimations, c'est-à-dire que vous dites selon les estimations, finalement ces scientifiques ou ces chercheurs, ces ingénieurs allemands auraient été entre quelques centaines et 7000, mais ça fait une différence énorme. Ben oui, mais... C'est les sources, si vous voulez, quand on cherche les sources, bon, c'est très français, on a beaucoup de mal à trouver des chiffres fiables. Le chiffre de 7000, c'est Jacques Villain, qui est un historien assez sérieux, qui l'avance. Et quand on fait un peu le compte des différentes entreprises, parce qu'ils ont été dans un paquet d'entreprises, on ne doit pas être loin. Moi, j'estime le chiffre entre 4000. Je pense qu'il y en a 4000. Mais ce qui fait de la France, je pense que la France est quasiment le pays qui a le plus profité du recrutement de ces scientifiques. Des économistes disent que ce recrutement a permis à la France de gagner entre 5 et 10 ans. ce qui est énorme, ce qui est absolument... Alors que c'est finalement le pays dont on parle le moins, on le savait pour les États-Unis, oui. Pour la Grande-Bretagne, mais pas pour la France. Oui, on le savait. Un été, je pars, je fais de la randonnée, ça n'a pas grand intérêt, mais on est sur le plateau des Glières avec ma fille, et il y avait un musée, donc je l'amène visiter le musée du plateau des Glières, et il y a une photo de Von Braun, avec en dessous une légende où il est expliqué Von Braun, lors de son arrestation, a l'air très satisfait et il fera partie de ces scientifiques que les Américains, avec cynisme, vont recruter. J'ai envie de mettre, on aurait pu remplacer Américain par Français. Bien, ben pour ceux qui voudraient aller plus loin et creuser le sujet, parce que là on n'a fait que l'effleurer, je renvoie donc à votre livre. Merci Michel Tedoldi. Alors ce livre s'intitule, je le rappelle, Un pacte avec le diable, et je précise qu'il est édité chez Albin Michel. Ils étaient 20 et 100, ils étaient les milliers. Nous aimaient tremblant dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterais les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez un dessin, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. C'est qu'il avait besoin du peuple, qu'il fallait dans la résistance se taire, enfin ne pas se faire voir, enfin tout ce qu'il ne fallait pas faire dans la résistance, pour être, disons, possible. Donc il avait une mission à faire ce jour-là, il ne pouvait pas y aller, évidemment, tout a bougé. Alors il m'a demandé d'y aller à sa place. Et moi j'étais ravie. Vous étiez ravie, vous étiez contente? Ah, j'étais contente parce que à Saint-Malo, j'avais subi l'entrée des Allemands dans Saint-Malo. Et ça, je l'avais très mal vécu. Ils sont entrés en chantant avec ces bruits de bottes, les bruits de bottes, j'ai toujours dans la tête. Combien de temps avant ils étaient rentrés? Eh bien, plus de 2 ans avant, puisqu'ils sont rentrés dans Saint-Malo en 40. Hein. Donc, j'avais tout ça. Les Allemands, je ne pouvais pas les sentir. Pour moi, c'était affreux. Et faire quelque chose contre eux, j'étais ravie. Et je crois qu'il vous dit, je vous aime toutes les trois, oui, plus que tout, et je ferai tout ce que je peux pour vous protéger. Il parle de vous, de votre sœur et de votre mère, mais, il ajoute ça, il y a la France avant ça. C'est tu ça. Comprends? Il nous a dit ça en 39 quand il a été mobilisé. Parce que moi je pleurais, je voulais pas qu'il parte, j'avais 9 ans. Et alors il m'a expliqué que, il nous a dit cette phrase, je vous aime toutes les trois, mais avant vous il y a la France. Alors il a expliqué que tous les hommes devaient partir pour défendre la France et empêcher les Allemands de nous envahir. Et une petite fille, elle peut comprendre ça? Eh bien, j'ai compris. Non, parce que c'est mon père qui m'a élevé, et il m'a élevé, disons, maintenant je reconnais qu'il m'a élevé comme un garçon, et pas comme une fille. Je faisais du sport avec lui. On reste dans le sujet, dans le sujet dont on parlait tout à l'heure. Je faisais du sport avec lui, j'allais à la pêche partout, tout le temps avec lui. Il avait une salle de sport, enfin, il était moniteur bénévole dans une salle de sport. Et j'étais avec des garçons, il y avait des garçons, mais je faisais comme des garçons, je ne sais pas. Donc, c'est quelque chose qui, quand il m'a demandé de l'aider, pour moi, c'était normal. Normal, et puis en plus, je vous dis, ça me faisait très plaisir de faire quelque chose pour ficher les bons dehors de l'enfance. C'était ça mon problème. Est-ce qu'on peut écouter une chanson? Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon d'argent. Dites-nous pourquoi on écoute cette chanson. Mais ça, c'était mon père, disons, c'était son signe de ralliement, je pense. Parce que lorsqu'il m'a demandé d'aller porter ce message à sa place, il m'a dit, parce que comme nous habitions Saint-Acisque, Saint-Acisque est un quartier qui rejoint la gare, mais sous vous parlez de Saint-Malo, là, hein? Un petit tunnel à Perpignan. Hein? Je parle vous parlez de Perpignan. Hein? Un petit tunnel, tout est étroit, sombre, ce petit tunnel, mais comme on l'empruntait pour aller à l'école, on n'avait pas peur dans ce tunnel. Et alors il m'a dit que dans ce tunnel, on devait rencontrer quelqu'un, un monsieur, qui aurait un chapeau. C'était tout ce qu'il savait, un chapeau sur la tête. Un chapeau sur la tête. Et qu'il sifflerait auprès de ma blonde. Et vous êtes allée? Alors, je suis allée. Je n'étais pas tranquille la première fois, hein, parce que j'avais 12 ans. Je ne savais pas, j'avais rien, j'avais jamais... Vous avez donné quoi, une enveloppe? Il m'avait demandé une enveloppe, que j'avais mis dans ma poche. Donc vous allez au tunnel? Et il m'avait dit, tu rencontreras quelqu'un, un monsieur qui aura un chapeau, qui sifflera au prix de ma blonde, tu lui donnes l'enveloppe. Bon, je suis allée dans le tunnel, je regardais, j'ai pas vu de gars avec un chapeau, alors je marchais dans le tunnel, et puis à un moment, il y a un monsieur qui m'a bousculé, enfin il m'a bousculé en passant, parce que c'est très étroit le tunnel. En passant, il m'a bousculé, alors je lui ai dit, c'est là quand même, et j'ai entendu auprès de ma blonde, je lui ai dit, mince, c'est à celui-là que tu devais donner. J'ai fait demi-tour. Et puis, je suis repassée. Vous lui avez donné? Et je lui ai donné. Sans rien dire? Sans rien dire. Il sifflait auprès de ma blonde. Quand on s'est croisés, je lui ai donné l'enveloppe. Il l'a mis dans sa poche. Est-ce que vous savez ce qu'il y avait dans l'enveloppe? Ah non, j'ai jamais su. Je n'ai jamais rien su de tout ce qu'on faisait passer. Jamais rien. Et mon père me disait, tu ne dois rien savoir. Moins tu en sais, mieux tu te portes. C'est quoi ça? C'est un atlas de géographie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je vais vous expliquer. Bon, comme je compte ça, j'ai réussi la première mission. Et j'ai dit à mon père, je veux continuer. Moi, je veux t'aider. Il faut que je fiche tous ces gauches dehors de la France. Je dis il faut dire qu'à l'époque, on disait boche. Oui, on disait boche, on disait vert de gris, on disait les doryphores, aussi on les appelait. D'accord. Les doryphores? Les doryphores parce qu'ils nous mangeaient nos pommes de terre et qu'on n'avait pas rien à manger. Et les doryphores. Donc, cet atlas? Eh bien cet atlas, quand mon père, je lui ai dit que je voulais continuer à tout prix, il m'a dit mais tous les dangers, enfin tout ce qu'il y avait, je dis non, moi je veux continuer, ça avait marché, donc il n'y a pas de raison. Et alors il a pensé qu'en passant dans le tunnel, c'était peut-être dangereux. On ne sait jamais. Et il a, disons, inventé l'histoire de l'Atlas. Donc cet Atlas, il n'était pas comme ça. Il avait une cache, un double cartonnage avec une cache. Par-dessus? Non, dedans. Dedans. Dedans. Et il avait fait, mon père, c'est pour ça que je l'ai gardé, la première couverture, devant. Allez, devant, attendez. Voilà, mon père avait fait ce dessin. Mais il était caché par... il était caché par ce qu'il avait mis là, et dans ce qu'il a, la cache qu'il avait fabriquée, je n'ai jamais, moi, mis aucun document là-dedans, ni en enlevé un. Hein. C'était lui qui le faisait. Parce que moi, je savais, c'était toujours la même chose. Tu ne sais pas, donc tu ne peux rien dire. Quoi. Est-ce que vous aviez peur? Non. Je n'ai jamais, jamais eu peur. Je n'ai jamais eu peur parce qu'il y avait mon père. Comme il n'était pas là? Il n'était pas là, mais je sentais mon père, donc je n'ai jamais eu peur. Disons que des fois, j'étais pas tranquille, enfin pas tranquille, pas tremblée de peur, mais j'ai toujours fait ce qu'il m'a dit, sans rien savoir. Je ne savais absolument rien du tout de la résistance. Tout ce que j'ai su après, c'est après la guerre. Mais là, moi, je ne savais rien. J'exécutais ce que disait mon père, je faisais tout ce que disait mon père. J'allais, alors là, pour l'Atlas, on avait changé de méthode. C'était dans un jardin qui était près de, derrière mon école, et qui est maintenant un parking devant la gare. Vous voyez, la gare de Perpignan, il y a un immense parking devant. Avant, c'était un jardin. Alors pour ceux qui connaissent, oui. Oui, oui, à l'époque. Et il y avait un jardin devant, et j'allais sur un banc dans ce jardin, et j'attendais que quelqu'un vienne, quelqu'un qui arrivait de la gare. Je sais maintenant que c'était quelqu'un qui venait ou de Montpellier ou de Toulouse. Alors il venait, il s'asseyait sur le banc à côté de moi, et moi je mettais mes livres et mes cahiers au milieu, et lui s'asseyait de l'autre. Il y avait celui-là aussi. Celui-là aussi. Et lui se mettait de l'autre côté. Et j'attendais. Je n'ai jamais regardé cette personne. Mon père avait dit que ne le regarde pas, tu fixes la gare, tu fixes, mais tu bouges pas la tête, tu bouges que les yeux. Pour regarder ce qui se passe. Et j'attendais. Et lui, la personne que j'avais à côté, prenait l'atlas. Il prenait cet atlas et il le remplaçait par le même. D'accord. Donc, il y avait un document qui partait et un autre qui revenait. Alors, je repartais à l'école, moi, avec... Avec un autre atlas. Un autre atlas qui était le même. Hein, le même. Exactement la même chose. Pourquoi, pendant 50 ans, vous n'avez rien dit? Pourquoi? Parce que j'ai été terriblement traumatisée quand... j'ai appris, enfin, on nous a dit que mon père était mort. Je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Il a été déporté. Il a été déporté, il a été arrêté. Vous aviez quel âge? Vous aviez quel âge à ce moment-là? 14. 14. Il a été arrêté le 2 mars 44. Il a été déporté, mais on ne le savait pas. Il a disparu. On est resté sans nouvelles de mon père pendant un an. On savait qu'il avait été arrêté par la Gestapo, ça c'est sûr, qu'il avait été à la citadelle pendant un mois, mais on ne savait pas après ce qu'il était devenu. Et maintenant, je sais qu'il a fait partie de Nuit et Brouillard, que les Allemands, que, disons, faisaient disparaître les personnes, enfin les résistants qu'ils arrêtaient et qui pensaient qu'ils étaient importants, disons. Alors nous n'avons jamais eu de nouvelles de mon père. Mon père a été déporté, il a fait partie du convoi des tatoués. Le dernier convoi d'ailleurs, je pense, qui est parti de Compiègne. Et nous l'avons attendu, on n'avait pas de nouvelles, on ne savait pas, c'était affreux, je ne savais pas ce qu'il était devenu. On a eu un petit mot dans la boîte aux lettres qu'il était parti en Allemagne avec de bons camarades, quelqu'un qui a mis ça dans la boîte aux lettres. Bon, vous savez, la résistance, il ne faut pas chercher à comprendre. Hein. Et donc on savait qu'il était parti en Allemagne, on a pensé qu'il était prisonnier de guerre. À la fin de la guerre? Parce qu'on ne savait pas du tout qu'il existait des déportés. À l'époque, on ne savait pas. Et quand en 45, quand les prisonniers de guerre ont commencé à arriver, avec ma mère, nous allions à tous les trains pour avec une photo de mon père, ma mère la faisait voir à tout le monde. Est-ce que vous avez connu Michel Thorens? Est-ce que, bon, non. Jusqu'à un jour, c'était en mai 45, où il y en a un qui nous dit, oui, je l'ai connu. Il était au camp de Flossenbourg et il est mort le 17 novembre 44. Ma mère se trouvait mal. Moi, j'étais tétanisée. Je suis rentrée chez mes grands-parents. Il paraît que je suis restée collée contre le mur sans pouvoir ni pleurer ni rien. Ils ont fait venir un médecin qui a dit surtout la touchez pas, laissez-la. Maintenant, vous enverrez des psys, mais à l'époque, ça n'existait pas. Hein. Donc, j'ai été là traumatisée. Et quand je suis revenue, disons, à moi, j'ai dit papa n'est pas mort. Je ne pouvais pas admettre que mon père, le connaissant comme je le connaissais, qui était solide, qui s'était sorti d'histoire, voulait être mort entre le 2 mars et le 17 novembre. Moi, je dis, c'est pas possible, mon père n'est pas mort. Et je suis restée dans ce déni pendant jusqu'en 93. Est-ce qu'on peut voir une rue de Perpignan? La rue, elle est rue Michel Thorens. Oui. C'est dans le centre-ville de Perpignan. C'est oui, c'est dans l'ancien Perpignan d'ailleurs, où habitaient mes grands-parents. Et vous lui dédiez votre livre, évidemment. Oui. Ça s'appelle J'avais 12 ans et j'étais résistante. C'est chez HarperCollins. Olivier Montaigu, merci beaucoup d'être venu. Et puis, pour ceux qui nous regardent à Perpignan et qui prennent le Ouigo à la gare de Perpignan, à partir de maintenant, vous saurez qu'il s'est passé beaucoup d'autres choses à la gare de Perpignan. Sur le parking de la gare de Perpignan, il y avait notamment Josette qui était là. Merci beaucoup, Josette. Est-ce que vous êtes prêts pour le morning? Allez, dis donc. Non. Bonjour. Accrochez-vous, on n'est pas dans un monde de bisounours. Lol, ce que tu dis, je m'en bats les couilles. Quelle audace! Voilà, un peu de bonne humeur. Ah non, vous avez une question. Je suis hétérosexuel et je me sens en fioul. C'est tout de même un peu fort de café. Ça me touche un verre sans faire bouger l'autre. Bonjour les dégâts. Et madame, ta gueule. Mon conseil, c'était juste de fermer la bouche, moi. J'adore ce c'est. Non, c'est top. Comme cul et chemise, comme larrons en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations. Mais il n'en reste qu'une, au travers de l'histoire, qui a su nous donner toute satisfaction. Le sabre et le goupillon, l'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire, les peuples n'avaient plus à se poser de questions. Et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard. On se sert aussi bien pour tondre le mouton du sabre que du goupillon. Quand un abbé de cour poussait une bergère vers des chemins tremblants d'ardentes déraisons, la belle ne savait pas, quand elle se laissait faire, qu'il condamnait l'usage de la contraception, le sabre et le goupillon. Et maintes éminences, et main beau capitaine, reposait le guerrier de la même façon, dans le salon chinois, où Madame Germaine, grâce à ses pensionnaires, réalisait l'union du sabre et du goupillon. C'était le temps rêvé de tous les militaires, on leur offrait des guerres et des expéditions, que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre, le cœur plein de mitraille et de bénédictions, du sabre et du goupillon. Quand ils s'en revenaient, et d'Asie et d'Afrique, ils faisaient régner l'ordre au sein de la nation. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trique, les autres, sans le dire, pensaient qu'elle a du bon, le sabre et le goupillon. On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre, ça brise le moral de la génération. C'est pourquoi les crédits que la paix nous libère, il est juste qu'ils aillent comme consolation au sabre et au goupillon. L'un jouant du clairon, l'autre de l'harmonium, ils instruiront ainsi selon la tradition des craques ensemble rêveuses, des forts antidéums qui nous donneront encore bien des satisfactions, le sabre et le goupillon. La revue de presse, alors, par exemple, Vosges Matin du samedi 6 mai 2023, à Brantigny, agglomération d'Épinal, enfin, autour d'Épinal, à 13 ans, il rejoignait le maquis sur les traces de son père. Pierre Didier a fait partie des plus jeunes combattants volontaires de la résistance. On ne peut être qu'admiratif. Pour des gens courageux comme ça, qui choisissent le bon camp, le camp aussi le plus dangereux, mais le camp de ceux qui sont du côté du droit. Casserole et sifflet pour la ministre déléguée à la Santé, le 5 mai 2023, à Tarn-les-Vosges, arrivée une heure avant celle qui est en charge de l'organisation territoriale et des professionnels de santé, une centaine de manifestants, issus de tous les syndicats, CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, FSU, UNSA et Solidaire ont donné un concert de sifflets et de casseroles qui a interpellé tous les riverains. La triste fin du Spartacus noir. Il y a 220 ans, mourait dans une cellule du château de Joux, Toussaint Louverture, héros de l'indépendance d'Haïti et de la lutte pour l'abolition de l'esclavage. En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, écrira Toussaint Louverture. Donc voici la cellule au château de Joux. Cette cellule a été visitée par M. Macron, président de la République. Il ne nous a pas dit ce qu'il a pensé. Macron et aurait été de quel côté, point d'interrogation, esclave ou esclavagiste? À la sortie des urnes dimanche, il y aura davantage d'abstentionnistes et de votes blancs et nuls que de bulletins dans l'urne pour le sauveur suprême désigné par les 9 milliardaires, sauveur suprême désigné par les 9 milliardaires qui contrôlent 90% des médias de notre brillante démocratie. Certes, les organisateurs de cette comédie n'en auront cure. Ils diront avoir triomphé. Et leur erreur sera de le croire eux-mêmes. On peut compter sur l'arrogance de Macron pour s'en aveugler aussi. Et pour passer à l'offensive sociale aussitôt que possible. Car son programme, sa méthode et son élection n'ont pas d'autre finalité que de mener cette guerre sociale qu'exige la Commission européenne et la droite européenne. Tout le monde, tout le reste n'est qu'apparence. Signé, bah oui, signé Jean-Luc Mélenchon, ouais. Ah, bien sûr. Les préfets appelé à interdire les manifestations d'ultra-droite, Vosges Matin du mercredi 10 mai 2021. Gérald Darmanin a annoncé avoir demandé au préfet d'interdire à l'avenir toutes les manifestations de l'ultra-droite, après la polémique suscitée par celle du comité du 9 mai samedi à Paris, qui n'avait pas été interdite. Face à la polémique, le gouvernement va désormais interdire toutes les manifestations d'ultra-droite, après un défilé autorisé de plusieurs centaines de militants samedi, qui a suscité de vives critiques à gauche, et que la première ministre Elisabeth Borne a jugé elle-même choquant. Voilà. La manifestation à Paris de plusieurs centaines de militants d'ultra-droite appartenant au comité du 9 mai a provoqué une vague d'indignation de la classe politique. Voilà. Voilà. Oh, l'histoire. L'histoire qui se répète. Alors, mercredi 10 mai 2023, Vosges Matin, augmentation de 25% des contrôles fiscaux. Ah, bon. Durcissement de la réponse pénale. Le gouvernement souhaite créer des peines complémentaires de travaux d'intérêt général. Le gouvernement souhaite créer des peines complémentaires de travaux d'intérêt général pour les personnes coupables de fraude et envisage aussi une sanction d'indignité fiscale. Des moyens humains supplémentaires d'ici la fin du quinquennat. Ah, d'ici la fin du quinquennat. Oui, d'ici la fin du quinquennat, c'est ce qui est écrit. 1500 contrôleurs supplémentaires seront affectés à la lutte contre la fraude fiscale. Une cellule de renseignement fiscal sera créée pour aller chercher les fraudeurs à l'étranger. 14,6 en milliards d'euros. Le recouvrement des fraudes fiscales notifié l'an dernier par l'administration. Notre priorité, faire payer ce qu'ils doivent aux ultra-riches et aux multinationales qui fraudent. Qui a dit ça? Eh bien, c'est Gabriel Attal, ah, ça vous étonne, ministre délégué chargé des comptes publics. Eh bien, voilà un homme qui de la droite vire à gauche. Il paraît même qu'il était un peu à gauche autrefois. Il paraît. Bon, je sais pas. Ce n'est pas mauvaise langue. Hein? Voilà. Violence contre les élus, la démocratie agressée, hein, la violence de l'image. Elle tourne à nouveau en boucle depuis ce jeudi, celle de Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins, commune de Loire-Atlantique. Se tenant debout devant la façade noircie de sa maison, et de deux carcasses de voitures calcinées. Mercredi soir, 23h06, l'élu a posté un message sur le réseau social Facebook pour annoncer sa démission de son mandat de maire. Un peu plus tôt, il a indiqué également dans une interview à notre confrère de Ouest-France sa volonté de quitter sa ville. Voilà. Yannick Morez est visé depuis plusieurs mois par des menaces orchestrées par l'extrême droite. Il dit aussi à quel point la complaisance envers l'extrême droite est dangereuse. Les manifestations au relent fasciste ont eu lieu en début d'année à Saint-Brévin-les-Pins. Sous prétexte de s'opposer au déménagement du CADA, l'écho avec celle du 6 mai dernier où l'ultra-droite a défilé à Paris arborant des symboles néo-nazis et glaçants. C'est glaçant, la Macronie. Une plaque inaugurée en hommage à 6 soldats fusillés à Gérardmer. La Ligue des droits de l'homme de Gérardmer a souhaité rendre hommage aux fusillés pour l'exemple, de la Grande Guerre avec une plaque commémorative. C'était Vosges Matin du jeudi 11 mai 2023. On m'a dit que je suis un sale gaucho. Si être gaucho, c'est trouver anormal que des patrons gagnent des millions alors que leurs ouvriers se ruinent la santé et n'arrivent pas à remplir leur frigo. Si être gaucho, c'est trouver anormal qu'on dépense des millions d'euros pour inviter des dictateurs à manger à l'Élysée. Si être gaucho, c'est trouver anormal qu'on laisse des milliers d'enfants mourir de faim. Si être gaucho, c'est souhaiter de tout son cœur qu'enfin les êtres humains soient égaux et vivent heureux. Si être gaucho, c'est trouver anormal qu'on laisse des multinationales détruire la planète pour gagner des milliards. Alors je dis, 2 points, merci du compliment. UE, Union Européenne, de nouvelles règles pour encadrer ChatGPT. Les eurodéputés ont voté jeudi en faveur du projet européen de régulation de l'intelligence artificielle. Comment vont-ils réguler l'intelligence en général et l'intelligence artificielle en particulier? Ils ont réclamé de nouvelles règles face au phénomène ChatGPT qui suscite autant fascination qu'inquiétude. Alors l'Union européenne veut se doter d'un cadre juridique complet face aux dérives de l'intelligence artificielle. Alors, les dérives, ont-elles commencé, les dérives de l'intelligence artificielle? A-t-on des preuves de ce qui est affirmé là? Alors, j'ai ajouté en haut d'un vendredi 12 mai 2023, dans la marge, intelligence artificielle, intelligence officielle. Pause. Sur les normes critiquées, Macron insiste. Malgré la levée du bouclier de l'opposition de gauche, Emmanuel Macron a réitéré vendredi ses propos de la veille sur la nécessité d'une pause réglementaire européenne en matière environnementale. Il a par ailleurs annoncé d'énormes investissements étrangers dans les batteries à Dunkerque. Alors, le dessus de la page, alors ça mérite, oh, cette page-là, je vais l'afficher dans un lieu où je la verrai tous les jours. Justice. Nicolas Sarkozy rattrapé. Samedi 13 mai 2023. Nicolas Sarkozy rattrapé par les affaires judiciaires. Le parquet national financier a requis jeudi un procès contre l'ancien président dans l'affaire du financement libyen de la présidentielle de 2007. Un nouveau revers pour Nicolas Sarkozy, qui doit être fixé le 17 mai dans le dossier des écoutes et qui sera rejugé en novembre dans l'affaire Big Malion. Il fait une drôle de tête, là. Il a beaucoup pâli, il est très amaigri et il a l'air très, très soucieux sur la photo. L'horizon s'assombrit pour Nicolas Sarkozy. Le parquet national financier a requis un procès devant le tribunal correctionnel dans l'affaire du financement libyen. L'ex-président pourrait être jugé, conformément aux réquisitions du PNF, pour corruption passive, association de malfaiteurs, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. C'est Kadhafi qui avait payé sa campagne électorale pour les présidentielles. Et on a voté, les cons, hein, ont voté pour Sarkozy à cause de ça. Ces infractions sont passibles respectivement de 10, 5, 1 et 10 ans d'emprisonnement. 10, 5, 1 et 10 ans d'emprisonnement. La décision finale, c'est pour ça qu'il fait la tête sur la photo. Eh oui, il fait du souci pour son avenir, hein. Ces dernières années, là, ça va pas être terrible, hein. Il sera peut-être tenté de se suicider, je sais pas. La décision finale sur un procès revient cependant au juge d'instruction qui devrait se prononcer avant le mois de septembre. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir reçu des fonds de la part du régime libyen de Muammar Kadhafi pour financer la campagne présidentielle de 2007. Et vous qui avez voté pour lui, vous pouvez être fier, hein. Ah oui, alors là, vous pouvez être fier. Vous regardez pas dans la glace, vous seriez honteux. Rejugé en novembre, dans son réquisitoire signé le 10 mai, et que Mediapart a pu consulter, le PNF estime que la sollicitation par l'ex-chef de l'État d'un financement occulte auprès de Muammar Kadhafi, dès l'automne 2005, a pu être objectivée par les investigations menées depuis une dizaine d'années. Cette annonce sonne comme un revers pour l'ex-président qui a toujours contesté fermement les accusations. Elle intervient une semaine avant la décision de la Cour d'appel de Paris dans le dossier des écoutes prévu le 17 mai. En première instance, Nicolas Sarkozy avait été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme, pour corruption et trafic d'influence. Il avait été reconnu coupable d'avoir tenté d'obtenir des informations ou d'influencer une décision de la Cour de cassation dans l'affaire Bettencourt, en promettant au haut magistrat Gilbert Azibert son soutien pour un poste à Monaco. Le ministère public a requis en appel 3 ans de prison avec sursis pour l'ancien président. Nicolas Sarkozy devra également retourner devant la Cour d'appel de Paris le 8 novembre dans le dossier Big Malion. Il y est mis en cause pour avoir dépassé le seuil légal des dépenses de campagne autorisées en 2012. en septembre 2021. Il avait été condamné à un an de prison ferme, une peine aménagée à domicile sous surveillance électronique. Une plainte déposée en avril. Malgré les affaires judiciaires de l'homme d'État, ne s'arrête pas là. Depuis 2019, la justice enquête sur un déjeuner tenu en 2010 entre Nicolas Sarkozy, deux hauts dirigeants qataris et Michel Platini, alors président de l'UEFA. La justice soupçonne l'existence d'un pacte de corruption autour de l'attribution du mondial au Qatar. Une plainte a été déposée début avril par l'association anticorruption Anticor à l'encontre de Nicolas Sarkozy, son ministre de l'Intérieur de l'époque Claude Guéant et le publicitaire François Delabrosse, en trois mots. Les activités de conseil en Russie de l'ex-chef d'État intriguent également les enquêteurs. Le PNF a ouvert en 2021 une enquête préliminaire pour trafic d'influence. Nicolas Sarkozy s'est dit parfaitement serein, affirmant que ses activités de conseil sont encadrées dans le strict respect des règles légales et idéologiques. Signé CT. C'est Vosges Matin du samedi 13 mai 2023. Alors cet article-là, il a gardé précieusement, hein, parce que ça va nous servir de leçon pour des années. Après cette aventure-là de Nicolas Sarkozy, bien entendu, on ne votera pas pour un individu du même genre. Hein, non. Maintenant, moi, je serai Emmanuel Macron. Je me ferai des soucis en regardant la photo de Nicolas Sarkozy. Je me poserai des questions quant à l'avenir des hommes politiques qui parfois arrivent à être corrompus. Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul qui a bossé sur l'écologie. C'est celui avec lequel j'ai le plus de plaisir à dialoguer. Sur certains dossiers, c'est même lui qui m'en apprend, notamment sur la mer. Ah, ça, quand il bosse, Mélenchon, il ne fait pas semblant. Signé, vous n'en doutez pas, signé Nicolas Hulot. Eh oui. Ce Telegraph étrille le bilan de Macron. Deux points, ouvrons les guillemets. Autrefois, le pays le plus beau, le plus brillant et le plus civilisé du monde, il est maintenant pris dans une spirale de déclin apparemment irréversible. Ce sont les métiers dits sales, comme éboueur ou égouttier, qui contribuent le plus à la propreté. Et paradoxalement, ce sont dans les professions de prestige, comme politique, financier, haut responsable, qu'on trouve le plus d'ordures. Signé Coluche. Kiev regagne du terrain sur le front de Bakhmout. Moyen-Orient, l'État hébreu fête ses 75 ans sous haute tension. Neuchâtel, dimanche 14 mai 2023. Les collégiens rendent hommage au résistant Jacques Vernier. Tiens, si tous les écoliers rendaient hommage aux résistants de leur commune, ça leur ferait de belles leçons d'instruction civique, hein, d'histoire et d'instruction civique. Parce que l'histoire et l'instruction civique, c'est indissociable, hein. Ben oui. Le présent, le passé, l'avenir. Alors, un retour à la République. Toutefois, le programme du CNR est avant tout un programme pour une démocratie économique et sociale et aborde peu la question des institutions. Il préconise l'établissement du suffrage universel avec droit de vote des femmes et la liberté de la presse. Et prône le retour à la nation des grands moyens de production. Un plan de sécurité sociale. je saute quelques lignes, dès janvier 1945, les usines Renault sont nationalisées. C'est un programme populaire. Pour preuve, les élections constituantes de 1945 donnent 75% des voix au parti le soutenant. Alors les partis qui soutenaient ce programme-là, hein, en 1945, c'était la SFIO. SFIO, c'était quoi ? Section française de l'Internationale ouvrière. C'était le nom du Parti socialiste de l'époque. PCF, Parti communiste français. Il n'a pas changé de nom, il s'appelle toujours Parti communiste français. MRP, Mouvement républicain populaire. C'était les gaullistes, disons, de l'époque. Hein. En 1946, la semaine de 40 heures est établie. Les compagnies de gaz et d'électricité sont nationalisées et la sécurité sociale est généralisée avec la retraite. En 2022, Macron n'a pas hésité à reprendre l'acronyme CNR pour son Conseil national de la refondation. Alors rappelons que le CNR, c'était le Conseil national de la résistance. Alors cet acte-là, eh bien c'est très honteux. Très honteux. Je suis honteux d'habiter dans un pays où des gens ont voté pour un individu comme ça. Au contraire, il défait systématiquement les conquis sociaux du véritable CNR. Pire, sa politique néolibérale facilite la résurgence du fascisme. Pourtant, premier combat mené par le CNR, combat Conseil national de la résistance. Les privations des années 1990-2000, dont on perçoit les effets néfastes à l'heure actuelle, sont complétées par une lente et violente destruction des services publics, du droit du travail et des moyens d'existence. Alors là, ce sont des écrits qui viennent en partie d'un certain Robert Chamberon, qui était le dernier survivant du Conseil national de la résistance. Il est mort en 2014 à 99 ans. Et je suis particulièrement fier que cet homme-là, qui est venu dans la région de Saint-Dié faire campagne électorale parce qu'il se présentait pour être député des Vosges, ait serré la main à un gamin qui avait à l'époque 12 ans.